La bulle de l'IA se transforme aujourd'hui en la bulle de Vivien qui accueille dans quelques instants Théodore Liévin. Je n'ai pas pu assurer cette émission comme prévu. Nous avons appris vendredi le décès de Marcus, image et pilier indétrônable de Radio Guémozo. Marcus, tu me manqueras terriblement. Tu embrasses très très fort là où tu es et même si je n'ai pas assuré la technique de cette émission, ni l'animation. Cette émission, je te la dédie quand même. Je t'embrasse fort. Merci mille fois à Vivien qui a géré un max pour l'animation de cette émission, à Chris pour la technique et à Gabriel, notre stagiaire de la semaine, pour sa participation. Et un grand merci à Théo pour sa compréhension. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Guémozo sur le 107FM, nous sommes en direct pour la bulle de l'IA. Moi c'est Vivien AFX et aujourd'hui je suis en présence de Gabriel en face de moi qui va co-animer, qui est stagiaire dans l'émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avec Chris à la régie. Bonjour à toutes et à tous. Et à tous bien entendu. Et aujourd'hui votre radio va passer en mode DJ, la bulle de l'IA va passer en mode DJ puisqu'on accueille aujourd'hui un mec que je suis depuis pas mal de temps, à vrai dire, sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Théodore Liévin. Salut à toi, Théo. Salut, merci de me recevoir ici. Merci d'être venu, ça fait vraiment super plaisir de te rencontrer, parce que c'est vraiment la première fois que je te vois, que ça fait quand même un petit moment qu'on correspond. Donc Théo, si tu veux, pour commencer cette émission, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je me présente, je m'appelle Théodore, je suis DJ producteur, je travaille actuellement, la circonstance est un problème avec le confinement et le Covid-19, donc du coup je suis résident dans une boîte de nuit à Épinal, qui s'appelle le 428, et donc ça fait déjà presque 3 ans, à peu près 2 ans et demi que je travaille déjà là-bas. Et puis j'aime aussi faire de la musique à côté, c'est-à-dire créer des sons, créer des mélodies, et puis m'éclater dans la musique. Voilà. Et justement, tu parlais du confinement, alors comment tu as vécu cette période ? Mal. Quelles étaient tes activités justement pendant cette période ? Parce que justement, tout ce qui était animation, événementiel, tout ça, c'était un peu au point mort. Ouais. Ça l'est encore malheureusement aujourd'hui. Donc, comment tu as vécu cette période ? Je l'ai vécu un peu. C'était dur, parce que du coup, moi j'avais besoin de bouger un petit peu à droite à gauche pour prendre du coup l'inspiration, ouais. Essayer de réfléchir et le fait de rester à la maison, puis avec la famille, faut pas les déranger, il faut les laisser dans le... Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, c'était un petit peu compliqué pour se concentrer sur la musique. Mais après, vers la fin du confinement, j'ai commencé à travailler correctement parce que j'ai pu racheter du matériel pour pouvoir bosser plus rapidement. Et c'est ce qui, j'en suis content du coup, pour pouvoir avancer plus rapidement dans mes projets. Alors justement, on parlait de la musique. D'où est venue la passion pour la musique ? Alors, j'ai commencé le piano. J'avais à peu près 5 ans. Ah, t'as commencé par du piano. Voilà, exactement. Ouais, j'étais d'origine du Nord, donc j'ai commencé, mes parents, mon père, hein, je dirais, m'a dit, on va t'inscrire à des cours de piano, puis on verra pour la suite. Donc tous les samedis, je crois, oui, c'est ça, tous les samedis matin, j'allais, et tous les lundis soir, faire du piano. Et tes parents, ils étaient déjà musiciens à la base, enfin, ils étaient déjà un petit peu dans le milieu ou... Oui, mon père, oui. Il était musicien, donc il faisait conservatoire, enfin je crois le conservatoire de Normandie. Il a participé là-bas. Ma mère non, enfin elle a fait un peu de piano aussi. Et puis du coup ma sœur a fait aussi un peu de musique. Voilà. Donc on a un peu une famille qui a baigné dans l'univers de la musique. C'est ça. Exactement. D'ailleurs, ouais, tiens, j'en profite. S'il y a des auditeurs qui veulent nous téléphoner, est-ce qu'on peut donner le numéro du standard, Chris, si tu as le numéro sous les yeux ? Oui. Alors, c'est le 03 29 62 40 40. Voilà, comme ça, si vous voulez poser des questions, surtout, n'hésitez pas. C'est vrai qu'Antoine, il a un super parcours. On va en parler là tout de suite, juste après. Je commence à mélanger les noms, ça va plus. T'inquiète pas. Des formations professionnelles. Alors, à partir de quel âge est-ce que tu as commencé à mixer exactement ? Enfin, comment c'est arrivé le mix du piano au mix ? Comment t'as switché entre les deux ? Alors, j'ai commencé le mix, j'avais à peu près 10 ans. Mes parents m'ont offert en fait une petite platine Hercule. Un petit contrôleur, ouais. Voilà, je pense que tout le monde connaît. Je l'ai eu aussi. Voilà, et j'ai mixé du coup sur Virtual DJ. Ouais. Je pense que c'est la base des DJ. Pour les DJ, on commence un petit peu à bidouiller les boutons qui sont sur le logiciel. Et puis du coup sur le contrôleur aussi. Et c'est ce qui m'a... Enfin, j'ai continué, j'ai pas arrêté. Voilà. Et est-ce que tu arrives actuellement à en vivre de cette passion ? Alors oui, oui et non, parce que maintenant... Là en ce moment c'est un petit peu compliqué, oui, mais ouais. tu fais d'autres choses à côté, fais de la prod aussi, on en parlera juste après, tu fais vraiment pas mal de trucs. Tu fais aussi de l'événementiel, genre DJ pour des mariages, des choses comme ça, est-ce que tu fais ce genre de prestations ? Alors oui, je peux également en faire, parce que j'ai ouvert ma société, ma micro-entreprise. Il y a 3 ans à peu près, et donc oui, je peux faire des mariages, anniversaires, séminaires, et tout ce qu'il faut. Pour des clients, voilà. En fait, il n'y avait pas pensé avant, je viens juste de lui souffler une idée. alors, si tu n'avais pas été DJ, quel métier aurais-tu aimé faire ? Oula, bonne question. Alors franchement... À la base, tu te destinais à quoi ? Est-ce que tu avais commencé des études de quelque chose et puis tu avais tout lâché ou... Ben, honnêtement, j'aurais... Non... Non, je vais te répondre à ta question. Clairement, j'aurais préféré faire, honnêtement, dans l'aviation. Voilà. Tout ce qui est. L'aéronautique. Ouais. Ou alors plus dans l'informatique, ce que mon père fait actuellement. Voilà. Ça m'a, parce que du coup, tout ce qui est logiciel par rapport à la prod, c'est un mélange d'informatique. Et puis, c'est ce qui permet de faire fonctionner la musique. Voilà. Alors, petite question d'ordre technique, est-ce que tu es plutôt vinyle ou MP3 ? Eh bien, franchement, les deux sont très bien. Les deux, je pense que les deux, voilà, ils ont leurs particularités, ouais. Et tout. Franchement, pour se faire plaisir, je pense que le vinyle c'est très très très c'est très cool parce que il y a surtout le vinyle, il y a le bras avec le je sais plus comment il s'appelle, mais le vinyle c'est vraiment il faut pas le mettre de côté, c'est important. Et puis le MP3, donc comme tu expliquais, les platines numériques maintenant c'est moi je l'utilise à la boîte. C'est plus pratique. Exactement. Tu voyages léger et tout, au moins t'es quitte de te ramener avec tous tes disques. C'est ça. Ça fait du poids en moins. Directement à la boîte, moi, il y a déjà tout le matériel. T'as déjà tout le matos, tout le matériel. Toi, tu pointes avec tes clés USB. Je prends l'ordinateur, j'ai un câble internet, et puis il y a les 64 000 morceaux qui sont branchés sur les 4 platines. 64 000 morceaux. Exactement. Et tu mixes un petit peu tous les styles ou t'es cantonné à un style en particulier? À la boîte ou moi personnellement? Non, d'une manière générale. Alors, d'une manière générale. Moi je suis plus tech house et bass house, future house, voilà tout ce qui rejoint la house, la house music. Et surtout après je vais peut-être répondre à une autre question, mais par rapport à la boîte aussi, je suis généraliste, voilà. Je suis vraiment obligé, donc il y a du disco funk des années 80, il y a aussi je l'ai pas encore fait, mais je pourrais faire de la salsa, la salsa, mais même tout, voilà, c'est mon métier et c'est important de passer de tout, même du charleston, ça fait partie du métier, ça fait partie du taf, ouais, exactement, ouais. Alors est-ce que tu peux donc nous parler de l'école des DJ, parce que ouais, t'as fait une école de DJ carrément. C'est ça. Combien de temps ça dure une telle formation? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que c'est ouvert à tous? Tout simplement, donc j'ai fait du CPA à Lyon, pour être précis, parce qu'il y a deux écoles en France. Il y en a une à Poitiers et une à Lyon. Donc du coup, ma formation que j'ai effectuée en 2016, qui s'est finie du coup en mai 2018, donc c'est une formation de 18 mois. Enfin, oui, c'est ça, 18 mois, donc c'était la plus petite formation. Il y a une autre formation qui est toujours dans l'AMS, donc qui veut dire animateur musical et scénique. Mmh. Et du coup, il y a une autre classe qui font 22 mois. Ça dépend des. C'est une sur deux, ils échangent un peu pour qu'il y ait un peu plus de monde à chaque fois dans les classes. Donc du coup, moi j'étais AMS 47. Donc la 47e classe de l'école, sachant que l'école a 15 ans. Voilà. Je sais encore mes cours, parce que c'est important de les savoir. Et c'est la première école qui est ouverte dans toute la France, parce qu'après Poitiers a ouvert du coup son école, qui est justement pour le Futuroscope, parce que c'est à côté. Voilà. D'accord. Donc, ça a un rapport avec le Futuroscope. Donc du coup, j'en garde une très très belle année avec mes chers camarades de la classe AMS 47. C'était très cool. J'étais le seul Vosgien, donc je faisais toutes les semaines Millborne, aller-retour à Lyon à peu près. Genre quotidiennement, tu faisais les allers-retours? Ouais, en voiture. Je me débrouillais tout seul. Je prenais mon hôtel parce qu'il n'y avait pas de logement. Il fallait se débrouiller tout seul. Je gérais du coup la nourriture, l'alimentation pour Lyon directement. Donc c'est quand même un gros investissement. C'est un sacré investissement, à la fois personnel et puis aussi sur le plan financier. C'est quoi. Ça, exactement. Tu touches des aides pour ce genre de choses? Non, pas du tout. J'ai pas du tout d'aide. Je me suis débrouillé tout seul. Et je sais qu'il y avait les mecs de ma classe, ils aimaient bien qu'on fasse un Airbnb, donc j'ai accepté une fois, j'en ai fait. J'aimais bien avoir mon intimité, être tranquille et pouvoir bosser tranquille dans la chambre de l'hôtel. Mais bon, faut pas confondre aussi, c'est bien aussi d'être un peu seul et de pouvoir réfléchir. Voilà, des fois, d'être seul, ça fait du bien. Et est-ce que tu apprends, dans cette école, tu apprends, donc tu as plusieurs, j'imagine, formations. Tu as plus les métiers du mixage, tu as peut-être davantage aussi, peut-être un socle aussi avec tous les métiers de la prod. Est-ce que tu peux nous parler justement des différentes formations qui sont dispensées dans l'école? Je vais commencer par exemple avec AMS, donc A, qui veut dire animateur, comme je l'ai dit tout à l'heure. AMS, donc musical et scénique. Donc tu as tout ce qui est dans l'animation, donc c'est prise de parole, savoir bien parler devant un public, pas bégayer, dire ce qu'il faut. Après, il y a la partie musicale, donc c'est-à-dire savoir monter un, savoir faire un remix, par exemple, savoir faire un podcast, savoir faire des petits effets sur Ableton, parce qu'on utilise Ableton et non FL Studio, donc avec mon prof Jérôme, qui était 100% Ableton, donc il fallait qu'on passe sur Ableton. De toute façon, il y avait que ça. Et dans la partie scénique, donc c'est-à-dire gérer des lumières, savoir créer en fait un monde, un univers de lumière, savoir démonter une lyre, savoir la nettoyer, la réparer, savoir aussi démonter une platine, donc réparer les cues, parce que quand tu appuies sur les cues, les plays, au bout d'un moment, et il lâche, hein, ouais, c'est du plastique, ouais. Hein, après ça c'est de l'en, c'est, je veux dire, c'est, il faut de l'entretien. Et pareil pour l'état de mixage, savoir les démonter, savoir les dépoussiérer, entre guillemets, et aussi prendre soin de la régie qu'on a en boîte, parce que c'est quand même, ça coûte très cher. Hein. Pour ceux qui écoutent, je sais que pour ceux qui écoutent, ils calculent pas la valeur du matériel, mais ça coûte, si tu prends une régie 2000 Nexus 2, avec 4 platines et une DJM 900 Nexus 2, t'en as pour déjà 11 000 euros. Voilà. Et après, il faut en prendre soin. Donc, quand t'as un patron, t'as intérêt. Quand t'as un patron, puis quand tu connais le tarif, je pense que t'es obligé d'en prendre soin. c'est mieux pour toi, en tout cas. voilà. Et après ce genre de formation, est-ce qu'il y a un suivi derrière ? Enfin, est-ce que on t'accompagne encore, je sais pas, quelques mois ou quelques années après ? Alors, je dirais pas qu'on t'accompagne pas. C'est je vais pas faire du mal hein, de l'UCPA, mais on n'a pas de suivi. Hein. On doit se débrouiller avec. Si tu as une résidence, par exemple, tu continues toujours ta résidence. Ouais. Sinon, si tu dois voyager à droite à gauche, tu le fais. Moi, voilà. Après, moi, j'en garde un bon souvenir avec Patrick, le patron de l'UCPA. Viens de temps en temps descendre à Lyon, faire un petit coucou. Voilà. Donc, quand je vais voir toute la famille du côté de Clermont-Ferrand, je passe un petit coup à Lyon. Voilà. C'est à côté, c'est sur le trajet. Et puis, tu descends jusqu'à Lyon, puis après, hop, tu c'est reprends, ça. Je ne sais plus, c'est la 89, la 69. Exactement. Je sais plus, c'est la 89. Je connais par cœur, ça Voilà. Donc. Dès que je peux aller faire un petit saut à l'UCPA, je le fais avec plaisir. Voilà. C'est super. Ouais. Puis en plus, eux, ça leur permet de garder un peu le contact et bien tout. Sûr, bien sûr. C'est sympa, c'est un échange. Ils revoient leur ancien élève, ils se disent t'es encore là. Des fois, il y en a qui ça y est, ils ont. Alors, parce que moi, je vais vous dire. Il y a des gens qui ont le diplôme, parce qu'à la fin, il y a un diplôme. Mmh. Je pense que. Oui, c'est une formation diplômante, peut-être. Ouais. Donc, en plus, c'est une formation qui est reconnue par l'État, donc c'est assez bien en plus. Hein. C'est un. Ah, c'est cool, l'équivalent, ça, je savais pas. L'équivalent d'un bac plus 2, je crois. Hein, parce que c'est un bac de 2 ans, du coup. Mmh. Et donc, moi, malheureusement, j'ai fait tout ce que je pouvais et je ne l'ai pas eu. Donc, j'ai pourtant tout fait. Et à la moitié, je pense qu'on est peut-être 3 ou 4 à pas l'avoir. Et puis le reste de la formation l'ont eu, donc avec mention bien, très bien. Donc en fait, il y a même on appelle ça un majeur des majeurs. Donc à chaque session, on a un majeur qui finit premier de la classe. Et les majeurs donc de chaque classe ont droit, vu qu'ils ont gagné le meilleur, c'est le meilleur de la classe, hein. Ils ont le droit de mixer sur des main stage que l'école organise, du coup, donc comme au Ninkasi Gerland, donc à Lyon, dans le 7e, ou alors un autre Ninkasi dans Lyon, dans le centre de Lyon. Voilà. Parce qu'ils sont partenaires. Il faut savoir que l'UCPA est partenaire de Ninkasi et de Pionnier TJ. Et tu fais des stages du coup durant ta formation ou c'est uniquement basé à l'école ? Alors non, tu fais pas de stage du coup. On peut appeler ça un stage si tu veux. C'est une formation. En gros, c'est quoi ? Ça fonctionne comme un CFA. Mm. Si tu n'as pas de patron, il va falloir que tu payes. Voilà, parce qu'il faut que tu payes ta formation. Sinon, c'est le patron qui paye. Moi, j'ai pas eu trop de chance avec les patrons. Ah. Je suis tombé sur un sacré Épinal. Et puis, j'ai en passé d'autres. Et j'ai dû payer, du coup, ma formation. Ce qui m'a coûté... Voilà. Ah, c'est cher. J'imagine. Voilà, voilà. C'est pas donné du tout. Est-ce que tu as déjà fait des concours de DJ, des choses comme ça? Parce que je crois qu'il y a des concours qui existent. Oui, exact. Ouais. J'ai fait que des petits concours à droite à gauche dans la région. Hein. Mais pas excessivement visible, voilà. Mais ouais, j'en ai fait un peu. Voilà, j'aimerais bien en refaire pour me démarquer un petit peu des autres. Parce que ouais, c'est pas pour être méchant, mais les DJ, ils aiment aussi. Enfin voilà, ils ont leur place et ils feront tout pour l'avoir. Ouais, voilà, il y a une concurrence. Il y a une concurrence, ouais. Bon, après, c'est bien, c'est stimulant quand même. Il en faut quand même de la concurrence. Il en faut, bien sûr. Quel est ton style musical? Est-ce que tu peux nous parler de ton style, du coup? D'accord. Mon style, c'est plus house. Donc, ouais. dans la famille de la house music. Tout ce qui est tech house, bass house, future house. Moi, j'aime bien du coup le créer aussi et le mixer aussi. Voilà. Et puis tout ce qui est aussi un peu hip-hop, j'aime bien pour tout ce qui est scratch. Enchaînement. Tu fais du scratch aussi? Ouais, ouais, j'étais formé par DJ Fong Fong, un des meilleurs DJ DMC du monde. Wow. Donc, trois fois champion du monde d'ailleurs. Donc, il m'a appris le crab, le cut, vraiment le scratch où ça envoie du lourd. Voilà. Rien que ça, quoi. Ouais, le BB scratch. T'as jamais fait le concours de DMC? Ah non, je pense pas que je serais très fort. Hein. Je pense que je serais déjà battu. Moi, je sais me débrouiller, voilà. Je suis pas fort, mais j'irai. Parce qu'en fait, à l'UCPA, mais je ne vous ai pas dit, mais on a 6 cabines. Et dans 6 cabines, on a des platines numériques, du coup, où on s'entraîne donc, avec un prof qui nous dit de faire ça dans la classe. Et après, on s'entraîne chacun dans notre box en binôme. Donc, on tourne. Comme ça, l'autre, il regarde ce que tu fais. Il dit ce que tu en penses, si c'est bien ou pas bien. Il corrige, il note, tac, et puis c'est ça pendant... c'est ça toute la formation. Voilà. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi des cours théorie, donc tout ce qui est... tout ce qui est l'histoire de la musique, hein, comment s'est créé les balles, comment ça a commencé. Oui, t'as vraiment début à la fin, tu as tout l'historique. Tout. Et on est noté, attention, on est noté. Et wow. Ça fait partie de la formation. Et quand t'es noté coefficient 8... Voilà. Ça fait réfléchir. Exactement. Écoute, je propose qu'on marque une petite pause musicale, si tu veux bien qu'on écoute un de tes titres pour que les auditeurs Pas de soucis, c'est avec grand plaisir. Sachent un petit peu ce que tu fais. Ouais. Tu veux qu'on s'écoute quel titre, du coup, est-ce que tu as une préférence ou... Ce que vous avez sous la main, moi, je... le premier, ce qui vous convient. Voilà. On est de retour sur Radio Game Ozo. Vous êtes écouté. Quel est le titre de Fightning? Ouais, c'est ça. Fightning, composé spécialement par Théodore Liévin. Midi 28, nous sommes toujours avec notre invité et nous allons continuer donc la présentation de Théo. Théo, donc tu nous parlais aussi de production, enfin de création, de ouais, tu es producteur en fait sur à côté de tes activités de DJing. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus de création d'un son? Est-ce que tu pars d'une idée et puis tu crées ensuite, ou alors est-ce que tu crées d'abord et puis l'idée elle vient au fur et à mesure? Ben en fait ça vient tout d'abord ouais, je commence à faire en fait je prends Serum, voilà, donc c'est un, pour ceux qui connaissent pas du coup, c'est un, on va dire un VST, donc c'est un programme, un plugin même, un plugin. Qu'on insère dans le coup dans le logiciel et qui permet de créer des formes d'ondes et qu'on va déformer. Ouais. Et que on va du coup créer, et c'est avec ça que je commence. Donc je commence avec un son neutre. Hein. Je pars de rien. Hein. Je pars de rien du tout. Je peux faire des sons très trash, donc avec beaucoup de sons très électroniques, donc avec beaucoup de fréquences. Donc c'est que avec des fréquences d'ailleurs. Des oscillateurs, et des fréquences. Voilà, c'est ça, oscillateurs. Et puis des octaves du coup, parce que dans le logiciel, dans le Serum, il y a notamment des octaves. Et du pitch aussi que j'utilise avec, et j'utilise aussi à côté Silence, donc c'est un autre plugin qui est un VST aussi, et donc j'utilise ça, je pense qu'on l'a peut-être écouté dans le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant. Je l'utilise plus sur le, on va dire la montée, donc c'est-à-dire on a le temps calme, ouais. Avec le morceau et du coup moi j'aime bien mettre Silence parce que c'est plus calme que Serum. Serum il va venir agresser, il va venir plutôt agresser les choses. Dans le prochain morceau que vous allez peut-être entendre, là ça va être complètement que du Serum. Il n'y aura pas de Silence. Je sais qu'avec Serum, c'est plus brut. Quoi. Ouais, enfin, je trouve sur les, on peut faire des sons qui sont beaucoup plus bass house. Donc c'est un style de musique qui est très. On ressent beaucoup de basse en fait. C'est la basse qui fait le rythme de la musique. Mm. Voilà. Et puis après, j'utilise derrière, j'utilise des plugins UAD. Donc là, c'est des trucs. De chez Apollo Twin, donc c'est la carte son, donc c'est des trucs de la modulation en temps réel, donc ça coûte très cher, c'est pour ça que la carte elle coûte très cher, elle vaut 1004, donc tu vois. Wow. Et par contre ça qui est bien, c'est que ça reproduit comme si on avait un vrai moduleur à côté en fait, et pour la masterisation, donc la chose qui est donc dans une prod. J'explique vite fait, il y a d'abord le mixage. Ouais. C'est dans toute la chaîne de production, ouais, c'est ouais. Ça, tu as le mixage, et puis tout à la fin, tu as le mastering. Ouais. Et le mastering, c'est ce qui est plus dur, entre guillemets, c'est qu'il faut que ça sonne parfait. Et là, moi, j'ai pas envie de payer un ingé son parce que je sais qu'il va me faire des bêtises, il va me dire, ouais, il y a plus de fréquences. Non, et maintenant, je fais moi-même. Et c'est plus intéressant, du coup, parce que c'est intéressant. Hein, voilà. Tu bidouilles, et puis en même temps, tu regardes ce que ça fait, t'écoutes. T'expérimentes, et puis c'est en ça. Plus de ça, ouais, t'as la fierté de l'avoir fait, quoi, finalement. Ouais, puis tu passes du temps, puis c'est, ouais. C'est voilà. Le jour où j'aurai peut-être un contrat, il va falloir peut-être que je me bouge. Mais ouais, c'est... Voilà, pour l'instant, je découvre, j'essaie de faire des morceaux rapides, mais efficaces. Ouais. Le morceau que vous allez entendre, je l'ai fait début de semaine dernière, même pas lundi. Lundi, je l'ai fait j'étais à la pêche, hein. J'ai fini à la pêche. Voilà. Pour vous dire. Ah, tu pêches et tu fais tes sons en même temps. Ouais, je fais tout. Moi, je prends le PC. Ah, c'est le premier DJ que je vois qui qui fait des sons en pêchant. Voilà, puis après j'ai tout peaufiné hier soir justement pour vous, pour l'émission, donc justement j'ai pas raté hier soir à régler la masterisation, la stabilisation du son, qui soit pas trop agressif sur des enceintes qui sont bas de gamme justement, C'est pas parce que à la maison j'ai du monitoring, donc oui, c'est sûr que c'est du top du top, mais il faut penser aussi aux autres. Tout le monde n'a pas forcément les monitoring. Et ça doit même être compliqué, arriver à faire pour tout le monde, pour tous les types de matos. Ouais, c'est sûr. J'ai commencé, j'étais au collège, fin de troisième, je commençais déjà à faire du mixage et masterisation, et il fallait que j'arrive à trouver la truc, et je pense que j'ai trouvé depuis, ça fait 5 ans que je me bats, et là j'ai trouvé, je pense. Voilà. Tu travailles du coup sur FL Studio, c'est ça? Alors tu préfères quoi? Parce qu'il y a plusieurs logiciels finalement, il y a Ableton, il y a FL Studio, il y a Cubase. Moi j'utilise FL Studio parce que je trouve que c'est assez simple. C'est très complet, puis à la fois simple quoi. Après j'ai utilisé Ableton, qui est sympa pour le warpage, enfin warping. C'est ça qu'on appelle ça, c'est pour du coup caler les, recaler du coup des morceaux qui peuvent être décalés par rapport. Je prends l'exemple disco funk parce que par exemple c'est joué à la batterie, donc c'est quand c'est à la batterie c'est pas un robot, donc il faut recaler la grid pour que ça soit dans les temps, et comme ça quand tu arrives sur les platines, et tout est en temps et il n'y a pas de décalage. Voilà, ça c'est la petite recette de l'UCPR. La petite touche. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les edits. Et je trouve que c'est sympa quand même Ableton. Après, j'ai jamais essayé Cubase. Ça doit être un bon logiciel. Il y a aussi la plupart Pro Tools. Il y a, les trucs d'Apple, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je pourrais plus vous en dire. Je suis sûr que je le saurai après, mais là, je ne sais plus. Et c'est la plupart des DJ, pardon, comme Adrien Thomas bosse dessus. Puis la plupart des gens que je connais aussi. Je ne pourrais plus vous le dire, mais je pense qu'après l'émission, je saurai. C'est souvent comme ça, ouais. Est-ce que justement, tu parles d'Adrien Thomas. Est-ce que tu as déjà croisé des DJ assez connus dans le milieu, ou voire même des gros DJ internationaux? Eh bien, oui. J'ai croisé du coup, je vais répondre à ta question, tes deux questions. Donc du coup, oui, j'ai rencontré Adrien Thomas, notamment pour un stage que j'ai effectué en troisième à Fun Radio à Paris. Donc du coup, j'ai eu la chance de rentrer dans les studios de Fun Radio à Paris, plus RTL et RTL2. Pendant une semaine, donc j'ai vu du monde, j'ai vu Adrien Thomas, Miko C, donc la team DJ Fun Radio, et même j'ai eu la chance de rencontrer Joachim Garraud, qui était dans la partie de la libre antenne de Carrel à l'époque. Et du coup donc t'as vu aussi Carrel, le Carrel, doc, c'est ça. Alors il n'y avait pas encore le doc, c'était encore les anciens, c'était avec le gros Tony et plus comment elle s'appelle, Sandra je crois. C'était un très très très très bon très très bon stage, je m'en parlerai toute ma vie d'ailleurs, je m'en rappelle encore. Et puis notamment aussi chez RTL, j'ai pu croiser Philippe Bouvard, qui m'a remis du coup son petit livre de recettes dédicacé, les grosses têtes, c'est ça, de Philippe Bouvard. C'était un très très bon moment, et puis j'ai pas arrêté, j'ai vu du monde, voilà. Là, c'est un super parcours. Et justement, au niveau des parcours, donc tu as fait. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des scènes, des clubs, etc. aussi? Alors oui, j'ai fait des scènes à droite, à gauche. Où ça a changé, c'était en 2017, où j'ai fait le REC à Nancy. Et c'est là que j'ai rencontré du coup Célu Géléon, les anciens poteaux qui sont toujours là du coup. Et on a travaillé ensemble du coup avec Célu Géléon, et moi j'ai gagné du coup le concours pour mixer du coup au Nocturne étudiante de Nancy, donc de l'année 2017, c'est ça. Donc c'était en septembre, je pense, c'était fin septembre, et donc du coup j'ai mixé devant 16 000 personnes à Nancy. Rien que ça, 16 000 personnes. Après, je pense qu'il n'y avait pas les 16 000, c'était marqué sur la fiche, mais il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'était la place Carnot. Imaginez-vous, place Carnot. Noir de monde et tout. Ouais, il y avait du monde un petit peu. Et ça fait quoi de mixer devant autant de personnes? Eh bien, il y a comme un stress, une angoisse en même temps, mais il y a tellement une fierté. En même temps, c'est un truc de ouf. Ouais, franchement, ouais. Tu te dis, je suis en train de vivre ma meilleure vie. C'est ça, c'est ça. Après, en plus, quand tu joues tes sons, il y a aussi la... tu es encore plus fier de montrer ta marque. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Ça te permet de te mettre en avant et c'est tout. Ça. Et donc, j'ai mixé devant ça, devant ce public. J'ai aussi mixé. Donc, ça, c'était dans un festival. J'ai aussi fait le festival là-haut sur la colline, donc à Sillon. Donc je suis passé juste après Bernard Lavillier, Kaner Kana, donc les chanteurs, enfin chanteurs et puis rappeuses du coup. Et j'ai fait aussi donc du coup des boîtes à droite à gauche dans la France, le club 18-10 du côté de Saint-Étienne, dans le sud, hein, du coup. Et j'ai fait le César Palace à Épinal. Donc j'ai été formé d'ailleurs par Romain on va dire le responsable de du coup le DJ résident de la boîte. Il m'a laissé la chance de pouvoir m'exprimer, de me former du coup, et c'est comme ça que j'ai pu rentrer du coup à l'UCPA après plus facilement, parce que j'avais déjà les techniques. Ouais, c'est ça, t'avais déjà les bonnes bases et les bases. Et c'est si un jour il écoute la radio, Romain, c'est grâce un peu à toi que j'en suis arrivé là. Voilà. Un gros merci à toi, un gros big up. Voilà, puis tu me posais la question qui j'ai vu comme star à côté, que DJ star. Des gros DJ internationaux. Alors, j'ai vu aussi Garrix. Donc, j'ai eu la chance de le voir. Martin Garrix, pardon. Je suis parti l'année dernière, donc en 2019. Je suis parti avec mon père du côté de Utrecht. Donc, un grand rassemblement de grands DJ international. Et c'est la Dancefair, c'est là où il y a tous les DJ. J'ai vu Martin Garrix, j'ai vu Denis Kuyung, j'ai vu Lucas Steve, donc des grands DJ maintenant, superstars. Et puis j'ai beaucoup appris, surtout avec Denis Kuyung. Je sais que lui, il m'écoutera pas, mais c'est pas grave. Mais lui, c'est un tueur. Franchement, ce mec, c'est un tueur. Il est arrivé avec Ableton, il a pris avec un synthé, il en a fait un morceau qui est juste génial. Marqué sur YouTube, Denis Kuyung avec Automatique, c'est fait avec un synthé, mais qui est génial. Franchement, c'est un tueur, ce mec. À voir pour ceux qui aiment vraiment l'électro rétro, parce que ce morceau, c'est un peu rétro, et c'est vraiment génial. Franchement, même mon père, il est accroché. Ouais, ça peut être intéressant à découvrir. Ouais, faudrait qu'on regarde ça. Voilà. En antenne. Est-ce que tu as un meilleur et un pire souvenir sur lors d'une prestation ou sur scène en club? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Bah, ça arrive à tout le monde, hein. Des fois, en fin de soirée. T'as des mecs, dans mon domaine, quand tu travailles en boîte de nuit, tu es obligé de soumettre à des mecs bourrés, hein, des gens bourrés, hein, du coup. Et pas que les mecs, il y a aussi des filles. Hein, tu prends des insultes, t'es pas très. T'es pas, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, tu sais que t'as rien fait parce que tu fais ton travail, tu vois. Et les mecs qui sont en face de toi, ils sont pétés, ils t'insultent. Moi, ça m'arrive assez souvent. Ils disent, ouais, tu passes pas mon son, je vais te défoncer la gueule à la fin. Ouais, des fois, ça part un peu comme ça. Ouais, ça part un peu en live, tu te retrouves avec des côtes fées à la fin. Donc, et tout. Ouais. non. non, mais efficace. Non, mais il faut faire le monde faut de la faire nuit. Avec, le monde de la nuit, c'est quand même un monde assez spécial. C'est pour ça qu'il faut sortir un petit peu aussi couvert par rapport à la défense, parce que maintenant c'est plus comme avant. Je pense que c'était comme avant, hein, mais maintenant c'est règlement de compte, et c'est dommage, hein, parce que les gens boivent beaucoup trop, donc faites attention avec l'alcool. Voilà. Je suis entièrement d'accord. est-ce que tu as une petite manie ou un petit rituel avant de monter sur scène? Sur scène? Je pourrais plus te dire, parce que ça, à un moment donné, je te dis, c'est naturel, j'ai plus de stress. Mais en même temps, j'en fais pas beaucoup, parce que tu vois, je fais pas beaucoup de scènes. Ouais. Et pour l'instant. Et en ce moment, oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué aussi. Mais au départ, quand je te parle du rec, j'avais la boule au ventre. Dit, les mecs, ils vont me juger, il faut que je gagne. Après, moi, j'étais pas dans l'idée de gagner, mais j'étais avec un concurrent qui m'a mis la pression, qui m'a dit, c'est moi, je vais t'exploser, c'est moi qui vais gagner, et au final, c'est moi qui l'ai défoncé, tu vois. Et j'ai pris le micro, peut-être parce que c'était mes débuts, hein, à l'UCPA, on m'a appris à prendre le micro, Et bon, c'était le début des formations, donc c'était pas encore très bien, mais je l'ai niqué. Enfin, sans me vanter, hein, mais je l'ai bousillé. Oh, c'est bon, tu peux le dire. Non, mais en même temps, il faisait un petit peu le mal. Hein. Voilà. Bon, après, c'est pas méchant. Voilà. C'est mérité. comment tu vois la musique d'une manière générale et comment vois-tu évoluer la musique? Bah ouais, c'est une bonne question. C'est chaud. Hein. Comment je vois la musique évoluer? Bah je me mets à jour en fait. Je me mets à jour dès qu'il faut se mettre à jour, c'est-à-dire moi je travaille sur là je te parle en prod du coup. Je fais mon sound design, ça s'appelle en prod, c'est-à-dire c'est créé du coup sur FL Studio et du coup sur Serum, créer ton propre son. Et ça demande énormément de travail. Je sais qu'il y a beaucoup de DJ à qui je parle actuellement, des grands DJ même d'ailleurs, qui me disent moi je fais pas ça, je prends déjà des presets et je pars de base de presets. Après c'est bien, hein, je dis pas le contraire, mais bon, après c'est de la recherche. Et là quand le mec m'avait, je vais pas citer son nom, je sais pas si je pourrais le dire ou pas, mais il m'a dit continue comme ça, c'est comme ça que tu vas faire ton propre son. Et là, du coup, les gens pourront pas du coup ils pourront moins du coup copier sur toi. Parce que du coup, tu auras ton propre truc. Ouais, voilà, tu auras ta propre identité et tout. Exactement. C'est ça. Après, il faut se démarquer des autres, pardon. Ouais, c'est ça, parce que après, sinon, bah voilà, les gens, ils ont tendance à faire plus ou moins la même chose et tout. Faut arriver vraiment à sortir du lot. Oui. C'est ça. Alors, si tu devais collaborer avec un artiste, tu choisirais lequel? Un artiste d'hier ou d'aujourd'hui? Connu? Connu ou pas connu? Franchement, ouais. Le plus gros artiste que j'aimerais vraiment, c'est... Il y en a deux, c'est Guetta, déjà. Ouais, ça, la base. Voilà. Ça, j'aimerais vraiment, ouais, ce serait un des rêves. Et puis aussi Martin Garrix, ça, c'est... Je le suis depuis le début, hein, même quand il y a eu 200 j'aime sur sa page, et je l'ai vu évoluer, le mec. Alors ouais, et puis je l'ai vu en... Ah, puis ça motive de voir des mecs comme ça évoluer et tout. Et puis ouais, il y a aussi après il y a un mec que j'aime bien aussi, Mesto, donc qui est DJ hollandais aussi, qui est du côté de Hollande. Et ce mec est un tueur aussi en prod. Je l'ai vu faire de la prod devant moi en Hollande, et c'est un tueur, ce mec. C'est vraiment dur. C'est cool. En plus, on passe. Il est là, il nous explique des techniques. Et puis, c'est vraiment très intéressant. C'est super instructif et tout. Alors, ça s'appelle d'ailleurs en plus une masterclass. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça dans ce milieu. C'est une masterclass. Et là, quand tu prends une masterclass, c'est génial. Tu prends plein, t'apprends plein de choses. Et puis, c'est cool. Le mec, il est là, il t'explique. Et puis, t'apprends plein de choses. Alors j'ai une autre question, moi, parce que je regarde beaucoup tes stories et tout sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, oui, tiens, en parlant de réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, où est-ce qu'on peut retrouver tes sons aussi? Alors vous pouvez du coup réécouter mes sons, ils sont en libre service, oui, sur YouTube, Spotify, Deezer, et puis Apple Music aussi, hein. Il y a aussi Apple Music, Amazon aussi. Il y a une page Facebook. Alors oui, Théodore Liévin, voilà. Comme ça se prononce, comme là. Après, je pense que ça ira. Après, il y a Instagram aussi, Théodore Liévin, Liévin Théodore. C'est les deux mêmes comptes inversés. Donc, vous pouvez me suivre directement. Ouais, sur Snapchat. Alors, oui, Snapchat, c'est du coup Théodore 59500. Donc, le 59, représente. Ouais, voilà, du Nord. Voilà, pour ceux qui veulent me suivre un peu à droite, à gauche. Du coup, ouais, j'étais en train de poser une question juste avant, puis j'ai pensé tout de suite aux réseaux sociaux. Ouais, donc sur quoi tu bosses en ce moment? Donc j'ai vu ta dernière story, donc sur FL Studio. Est-ce que tu bosses sur un projet en particulier? Quels sont tes projets en gros pour les mois à venir? Bosser, tout le temps bosser. Franchement, je regardais une émission vite fait avec Snake. Il disait que, bon, après, il faut pas prendre exemple sur Snake, hein, je vais pas prendre exemple sur DJ Snake, pardon. Mais lui, voilà, si tu veux vraiment t'en sortir, tu t'enfermes, tu fais de la prod, et c'est ce que je fais depuis des mois. Hein. Après, voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. Après, j'ai peut-être pas forcément le réseau aussi, parce que ça joue énormément. Ouais. Mais le jour où j'aurai le réseau, je pense que ça pourra bien partir. Et en tout cas, ouais, c'est des centaines d'heures que je passe, tu vois. Je regardais aussi Avicii qui expliquait, parce que je suis aussi influencé par Avicii. Le mec, il disait, ouais, moi je passe, voilà, quand tu refais des remakes, je sais pas, 900 fois, 1000 fois, t'en as marre, maintenant tu composes. Quand tu fais des remakes, alors les remakes, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est tu reprends une musique d'un autre qui existe déjà. Donc des fois, vous pouvez trouver du coup des remakes sur YouTube, vous marquez FL Studio ou alors Ableton, de la musique que vous aimez, bien sûr, j'espère qu'elle y est. Et vous pouvez du coup voir comment la prod est faite. Mais bon, logiquement, elle n'est pas très bien faite parce que ça dépend des mecs. Ça dépend des niveaux et tout. Aussi, hein, voilà. J'imagine. Bah, je propose qu'on écoute le son suivant. Ouais, le dernier. Donc, c'est ton tout dernier alors. Ouais, que j'ai fini aussi hier en masterisation. Donc j'ai poussé vachement fort pour que ça résonne. Hein, franchement, il a bossé toute la nuit, il est venu. Ouais, j'ai pas dormi. Ouais, voilà. Ouais, franchement, j'ai même pas dormi. Pour tout vous dire, il a pas du tout dormi. Ça commence à piquer les yeux d'ailleurs. Ouais, ça s'appelle comment ton dernier son alors? Alors je sais plus, j'ai même plus White, c'est ça? White, ouais. Ah, c'est ça. White. Ouais. Bah écoutez, je vous propose d'écouter White et on revient juste après avec Théodore Liévin. venez d'entendre Théodore Liévin, 12h52, nous sommes toujours sur Radio Gameozo. Ça va toujours Théo ? Ah bah toujours, toujours, hein. Au toujours. Top. Bah ouais, franchement, on passe un bon petit moment et tout, c'est vraiment sympa. Ça fait, en plus, ouais, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, ça fait vraiment super plaisir de te recevoir, hein, depuis le temps qu'on, bah, qu'on échange sur les réseaux et tout. Ouais, de ouf, c'est cool. Ça c'est... fait plaisir, ouais. Alors Théo, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le DJing ? Donc dans la partie DJ, enfin la partie ou DJ puis production, bah, puis par extension ouais, dans okay. La prod. Et ben du coup de, bah moi je conseillerais du coup de bah, d'acheter un petit contrôleur, donc un petit contrôleur pas forcément le top du top, parce que ça c'est voir à voir si vous vous accrochez ou pas, et de vous enfermer dans la chambre et à la rigueur de regarder des tutos comment enchaîner caler un son, ouais. C'est-à-dire en battement par minute en BPM. Et BPM, ouais. Et s'enfermer, genre prendre par exemple le début de Michael Jackson avec un kick et une snare, enfin, ou un, soit une snare, et de faire s'entraîner juste en boucle, faire une boucle donc, avec le logiciel, et juste savoir les caler ensemble, que les deux BPM, donc de la platine ça, c'est, A. Ouais, c'est le premier truc à faire. C'est en ça. Fait. Et pour la partie prod, moi je dirais plus du coup. Là c'est beaucoup plus compliqué, donc là c'est plus le même domaine. Et ben commencez déjà à essayer de bidouiller un petit peu le logiciel, à savoir comment vous repérez dans le piano roll par exemple, ouais, parce ouais, que familiariser un peu et tout, puis sur tous les ouais sur tous les ah voilà c'est Logic le logiciel que j'avais perdu ah. C'est Logic tout à l'heure, et vous avez du coup sur Logic et sur tous les logiciels un piano roll qui vous permet du coup de composer du coup la mélodie pour directement en MIDI qui va faire fonctionner le VST. Voilà, donc c'est il faut bidouiller, il faut regarder, vous regardez des tutos sur YouTube. C'est ça, faut s'intéresser. Regarder. Et puis il y a pas mal de choses en plus sur YouTube, c'est vraiment bien oui, quoi. Oui, on t'apprend et tout, différents styles musicaux en plus, enfin c'est maintenant tout ouais, maintenant on tout, trouve de tout hein, on trouve de toute tout façon, voilà. Même avec du mix hein, de toute façon, vous pouvez regarder des tutos de calage de tempo, même aussi de tonalité, parce que c'est important quand on peut, on aime bien aussi la musique. Je pense que moi je le fais aussi en tonalité, donc c'est de pouvoir bien mettre deux morceaux qui sont compatibles et que ça fasse pas sur une note clé, enfin une note clé de musique, ou que ça choque pas les gens, tu vois. Parce que sinon, après, quand tu passes à une tonalité et à une autre, bah, c'est limite. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Le mix, il est un peu moyen, ouais, quoi. Après, moi, c'est ce qu'on m'a appris à l'UCPA, c'est de mixer en tempo. En mix cut, en mix cut et ouais. En tonalité. Ça, c'est la base du mix. Et voilà. Puis après, faire du scratch, prendre le micro, tac, tac, tac, s'amuser, prendre plaisir. C'est ça, c'est le plus important. Ouais. Quel est ton plus grand rêve ah, c'est chaud, là. C'est-à-dire en quoi du coup ouais. Là je parle En rêve du coup. En rêve quoi, okay. En mode perso bah, quoi. Ouais, j'aimerais bien être reconnu pour ce que je fais et que les gens kiffent vraiment et qui est vraiment une attache à un public vraiment qui soit vraiment là et puis que je puisse kiffer avec les gens qui sont là devant moi puis qu'on kiffe ensemble, voilà. Tout simplement. Eh bien, pour ma part, j'avais quelques questions à te poser, des petites ouais, questions vas-y. Rapides. Pas de souci. C'est un peu des tu préfères, oui. En restant dans le domaine bien sûr concerné. Oui, vas-y. Alors, je vais tout de suite commencer. Alors, tu préfères faire du DJing ou de la production ? Ah putain là. Là, t'es vraiment. Ah ouais. Ah, ça va être dur. Hein. C'est chaud. Eh ben, moi, je te dirais quand même production. Ouais, créer vraiment. Après, tu peux être producteur et être connu, mais tu peux être aussi DJ et être connu. Prends DJ Benz, il est connu, il fait pas de musique, le mec. Ouais, mais vraiment, toi, ce qui t'intéresse, c'est la ce prod. Que t'aimes mais le plus, c'est j'aime, créer, quoi. J'aime aussi, enfin, c'est chaud, tu peux pas. Après, c'est un peu complémentaire, ouais. Finalement, les deux. Moi, j'aurais dit les deux, moi. On part là-dessus, alors. tu préfères travailler seul ou en collaboration ? Quand tu fais de la production ? Eh ben, ça dépend des mecs. Parce qu'il y a des mecs où ça blablate et on n'avance pas du tout. Mais vraiment, moi je vous le dirai sincèrement. Et honnêtement, des fois c'est mieux de travailler tout seul. Mais à deux, tu vas plus vite. Ouais. Donc je pense que c'est quand même bien, mais ça dépend avec qui tu fais. Voilà. Ouais, et puis l'univers il peut changer un peu. Ouais, ouais. Puis... ça t'apporte de nouvelles choses aussi. Exactement. Et puis il faut connaître aussi la personne, parce que moi je suis tombé sur des clampins, hein, la vache. C'est vraiment ah ouais, mais ils disent ce qu'ils font, puis au final c'est moi qui fais tout, puis on n'avance pas, et ouais. C'est moi qui fais tout, tu vois. Et puis c'est dommage, et puis c'est frustrant, et puis on perd du temps, et puis moi j'aime pas perdre du temps, tu vois. Ouais, ce qui est tout à fait normal. qu'est-ce qui t'inspire le plus, travailler la nuit ou le jour? Eh ben le jour, parce que ça dépend. Si rien, cette nuit j'ai bossé toute la nuit, j'ai pas dormi, mais ouais, ça dépend. Ouais, c'est une bonne question. Moi, franchement, des fois j'arrive à te faire un morceau en commençant à 10h du matin, et à la fin de la journée à 18h, le mixage est fini, et la masterisation aussi. Donc tout est fait en une journée. Par contre, c'est intense. Ah bah c'est du travail, ouais. C'est de l'acharnement presque. Ouais. Par contre, après, des fois, je regarde l'heure, je dis ouais, il faut que je mange. Il est 13h, 14h, et puis des fois, j'ai pas le temps, je prends un McDo. Ça, voilà, mais bon, ça fait pas tout. Il faut après rebosser, tu vois. Faut pas lâcher. Bah justement, tu nous parlais de mix et mastering. Qu'est-ce que tu préfères faire entre les deux, le mix ou le mastering? Bah, c'est des choses différentes. Enfin, c'est. Sans le mixage d'abord, tu peux pas masteriser après. Il faut d'abord savoir mixer. Donc je dirais quand même, je peux pas trop répondre à cette question-là parce que c'est dans l'ordre en fait. Encore une fois, c'est complémentaire. Moi, logiquement, il faut quand même faire dans le début, je veux dire, il faut faire le mixage et après le masterisation. La masterisation, c'est le final. C'est ce qui va faire chaîne, en fait. La chaleur de ton morceau, tu vois, ce qui va donner la chaleur. Voilà. Alors, quelle est ta musique préférée? Ah, musique, belle question. Ouais. Musique. La musique que je kiffe en ce moment. Ouais, celle du moment, ça peut le faire aussi, ouais. Oh, putain, bien sûr. Je sais pas du tout. Alors là, j'aime bien Antoine Delvig avec. Comment il s'appelle? Disciple, le morceau Disciple. Il a été signé chez Axton il y a 4 ans, je sais plus à peu près. C'est un monstre ce morceau, c'est énorme. C'est ce que tu écoutes à fond? Ouais, c'est vraiment génial. Enfin, si tu veux, je te ferai écouter, c'est vraiment cool. Avec plaisir. Et pour rester dans le même thème, quel est ton producteur ou DJ préféré? C'est comme tu veux. Bah, j'ai pas de DJ préféré, producteur. En tant que DJ, après, j'aime bien Martin Garrix parce que c'est la marque Martin Garrix. Mmh. Mais le DJ, je sais pas, c'est quand même. Je sais pas, je pourrais pas te dire. Allez, Denis Kuyung. Il est okay. Très fort. Très fort, lui. Mais finalement, il y en a plusieurs, quoi. C'est vraiment à chaque fois. Ouais, mais je pense que quand même, Denis Kuyung, il a une rapide, enfin pas une rapidité, mais il a un mental pour créer qui est impressionnant. Il m'a montré ça devant moi, j'étais sur le cul. Vraiment, et c'est vraiment génial. Et franchement, je pense que c'est lui. Après, voilà, David Guetta aussi, hein, il est fort, hein, mais voilà, je pense que Denis Kuyung est bien plus fort. Il y a aussi Hardwell. Hardwell aussi, oui. Très fort. Ah oui. Le classique, toujours. C'est ça. Bon. Et dernière question, tout à l'heure tu nous parlais de prestations en live. Qu'est-ce que tu préfères faire? Est-ce que c'est mixé en boîte de nuit ou en club ou dans les concerts justement? Ou dans les festivals aussi. Ouais, ouais, festival. Ouais. Et ben, vraiment, franchement, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Moi je préfère après festival. Parce qu'il y a une autre ambiance que par rapport à une boîte. Une boîte, tu vas revoir tes clients toutes les semaines. Après, j'ai rien contre mes clients, je les kiffe, hein, y a pas de souci, hein, on tape la vise, tout ça, salut, comment tu vas, mais bon, moi j'ai besoin d'autres choses, tu vois, moi ce qui me fait plaisir, c'est de découvrir d'autres personnes, tu vois, et c'est ça, parce que tu vois, en boîte aussi, hein, je dis pas le contraire, des fois t'as des nouveaux clients qui arrivent, mais en festival, c'est complètement, là t'as des fois, quand je prends 200 000 personnes devant toi, il va falloir que t'assures, tu vois. Ça, c'est sûr. Je sais pas, je te donne des grands trucs, toi. Le Tomorrowland, il y a 450 000 personnes, main stage. C'est gros. Là, c'est énorme comme public. Ah ouais. Faut assurer. Tomorrowland, ouais. Il faut assurer, ouais. Moi, je te dirais, par contre, pour la question, j'aimerais bien un jour mixer à Tomorrowland. Non, ça, c'est un but, c'est un rêve. Ah ouais, je kifferais. Ouais. Franchement, je me ferais un grand, grand, grand plaisir. Ouais. Qui sait, un jour, on te retrouvera sûrement là-bas. Et bah, peut-être ouais, bah, peut-être qu'on retrouvera Théodore Liévin à Tomorrowland sur la main stage et tout. Là. Ah ouais, moi, alors là, franchement, je te retourne la Tomorrowland. Hein. Avec grand plaisir. Bah, si tu peux nous avoir des tickets par la même occasion. Ah bah, ouais, bah, bah pas de soucis. Hein. Alors là, je te les offre sans problème. Hein. Ah bah, avec plaisir. Est-ce que tu as, donc avant de conclure l'émission, est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer à nos auditeurs, un message en particulier? Bah déjà, merci à vous, à Radio Gamezo, de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'était vraiment très cool. J'ai eu des beaux animateurs à côté de moi. C'était très, très, très, très, très gentil. Et d'ailleurs, d'avoir proposé l'invitation. Et puis, je fais un petit coucou à la famille qui est là, qui m'écoute. Puis à ma chérie qui m'écoute aussi peut-être, hein, voilà, donc coucou à vous tous, et puis du côté de Sainte-Barbe, à côté de Rambert, donc je leur fais des bisous, et puis à toute la famille qui est dans le Nord aussi, un peu partout, voilà. Merci à vous. Bah, merci à toi, puis bah, ouais, merci à tout le monde d'avoir écouté l'émission et tout, c'était vraiment un très bon moment, une ouais. très belle rencontre, et puis ouais, je pense qu'on se reverra. Ah bah, avec grand plaisir, moi je... Quand tu veux. Avec grand plaisir. Bah, excellente continuation à toi, ouais. puis à tous nos auditeurs. Restez branchés sur le 107FM et puis on vous souhaite à tous une très belle journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à tout le monde.